dernier temps de notre histoire du Nord ce jeudi, le débat « Le Nord avant le Nord ». Après nous être intéressés, pendant les émissions précédentes, beaucoup au 19e et 20e siècle de cette région du Nord, plongeons aujourd'hui dans le 17e siècle qui vit devenir française par les conquêtes de Louis XIV, nombre de villes auparavant sous tutelle espagnole. La monarchie parvint-elle à changer les institutions municipales ou judiciaires locales? Comment se passa ce changement d'habitude et de langue? Nous le verrons avec nos deux invités qui sont en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lille. Agathe Lessens, elle est maître de conférence à l'École supérieure des professions de l'enseignement, attachée à l'Université du littoral Côte d'Opale. Elle est spécialiste des élites municipales de cette région dans cette période moderne. Et Véronique de Mars-Sion est également avec nous, à côté d'Agathe Lessens, dans ses studios de Lille. Elle est professeure émérite de l'Université de Lille en histoire du droit et elle s'est intéressée en particulier aux institutions judiciaires de cette région avant et après l'arrivée des Français. Mais tout de suite, vous le savez, à la fin de l'émission du jeudi et au début de l'émission du jeudi, il y a toujours un épisode du feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, un nouvel et dernier épisode de cette Fabrique de l'Histoire scolaire, conçu depuis un an et demi par Séverine Yatard et qui enquête sur la façon dont on enseigne l'histoire en classe en France aujourd'hui. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est point vu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est point vu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous savez placer comme date sur cette frise? Si on s'intéresse à l'histoire de politique de l'Allemagne. Allez. La Première Guerre mondiale, hein, d'accord. On la place. Alors, pas au début, hein. Faites gaffe, hein. On est en 1875, là, le début. Donc, ouais, mais du coup, il faudrait qu'on commence par 75 pour avoir une idée. Oui, mais qu'est-ce qui... Alors, c'est quoi le régime politique en Allemagne en 1875? C'est un espèce d'empire, enfin... Un espèce d'empire. Non, c'est un royaume qui a été unifié... Il n'y a pas si longtemps que ça, par le roi d'Allemagne, ou le, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Vas-y, lance, oui. Non, en fait, c'était pas possible que ce soit plus fou que ça. C'est des royaumes, une multitude de royaumes hein, qui se rassemblent, hein, qui s'unifient derrière le plus puissant qui est la Prusse. Le royaume le plus puissant qui est la Prusse. Et mis en place en 1871, un empire. Du coup, on commence en 71. Au lycée autogéré de Paris... Oui. Christine Berry et Stéphanie Rivière poursuivent leur cours d'histoire avec des terminales sur le socialisme et le mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875. Chronologie, définition des termes et discussion sur certaines notions avec les élèves. Voilà, alors, on va lire et résumer les quatre définitions socialisme, communisme, syndicalisme et mouvement ouvrier. On va les résumer en une phrase et ensuite on travaillera sur la naissance du socialisme allemand et sur les relations entre la classe ouvrière et le syndicalisme. Communisme. Qui est-ce qui nous lit la définition? Vas-y. Alors, idéologie politique qui cherche à instaurer une société sans classe sociale, sans État et sans propriété privée. Alternative au capitalisme, ce courant du socialisme s'incarne après 1917 dans un État, l'URSS et des partis communistes partout dans le monde. Il se réclame de la pensée de Karl Marx et de Friedrich Engels, mais aussi de celle de Lénine. Alors, comment on résume ? Tout appartient à l'État, le communisme, parce qu'il y a marqué qu'il n'y a pas d'État. Mais de base, je sais pas, c'est une question. Justement, c'est pas l'État qui a toute... C'est dit, instaurer une société sans classe sociale, sans État, et ensuite on nous dit que ce courant idéologique s'incarne par après 17, dans un État, l'URSS, hein, voilà, et des partis communistes, c'est l'opposition entre l'idéologie et la pratique, on va dire, hein, la réalisation. Parce que l'idéologie communiste, l'objectif ultime, c'est qu'il n'y ait plus d'État. D'accord. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est jamais arrivé. Mais dans l'idéologie, c'est il n'y a pas d'État. Voilà. Il faut une phase transitoire où tout doit appartenir à l'État. D'accord. Et à un moment, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'État. On n'ait plus besoin d'État. On finit par mouvement ouvrier parce que quand même toute cette histoire, c'est l'histoire aussi du mouvement ouvrier. Hein, la connexion entre des idéologies et des actions concrètes. C'est quoi un ouvrier exactement? Alors, qui est-ce qui peut essayer de répondre? Ce sont des personnes qui travaillent au milieu des environnements, par exemple. Pardon. Qu'est-ce que tu appelles un environnement, Gaïa Thierry? Je sais pas, travailler à l'extérieur. Alors, il y a peu. Travailler dans les usines. Pas obligatoirement à l'extérieur. Il y a des ouvriers à domicile, donc c'est pas le cas. C'est pas seulement à l'extérieur. Aurore. Ok, dans les usines, mais du coup, c'est un secteur secondaire, en fait, de parler d'ouvriers. Oui. Les usines, donc. À la base, c'est ça. Mais d'accord, mais il y a des ouvriers qui travaillent, par exemple, des ouvrières, beaucoup, hein, qui travaillent à domicile, qui, dans le domaine de du textile, hein, qui travaillent chez elles, au 19e. Hein, je me situe au 19e siècle. C'est des artisans ? Alors non, elles sont salariées, elles sont... Ouais, non, mais un ouvrier, c'est pas juste quelqu'un qui fait de l'artisanat et qui est justement salarié de quelqu'un, non? Enfin, je sais pas comment définir artisanat, tu vois, mais... L'artisan, il peut être indépendant. Ouais, mais c'est pour ça que je dis ça. Si jamais il est artisan et salarié, ça fait de lui un ouvrier, non? Vas-y, réponds-moi, Steph. Non. Vas-y, explique-nous. S'il est artisan et s'il possède son... s'il est boulanger et qu'il possède... Son outil de travail, voilà. S'il possède son outil de travail, il n'est pas considéré comme ouvrier. Mais tu as dit truc important. C'est les mains. C'est une histoire de mains. Alors, ça dépend. Elle vient d'où, ta définition? Moi, je la trouve intéressante, celle qu'on est en train de mettre en place. Là. Dis-nous d'où elle vient et lis-nous ta définition. C'est un dictionnaire en ligne. Voilà, je ne sais pas trop lequel. Et un ouvrier est une personne qui, en échange d'un salaire, effectue un travail manuel pour le compte d'un employeur, principalement dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de l'artisanat ou de l'agriculture. Et ben voilà. C'est à peu près proche de ce qu'il y a, l'aspect manuel, l'aspect salarié, dans plusieurs types de secteurs quand même, hein, majoritairement industriels, mais ça peut être aussi un ouvrier agricole. Voilà. Et il travaille pour un salaire. Je ne maîtrise pas du tout Le temps, exactement. 48. Ben voilà. Alors, on va pas commencer le deuxième petit point, puisqu'il est 48. Et après, vous pouvez réfléchir d'ici vendredi pourquoi on fait socialisme, communisme, mouvement ouvrier en Allemagne et pas en France. Vous ramenez les manuels par là, vous faites un tas. Vous pouvez même les mettre directement sur le bord de la fenêtre. Voilà pour ce dernier épisode de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire. Cela fait maintenant un an et demi que Séverine Niattard parcourt les villes de France pour pouvoir aller voir les professeurs et les élèves et entendre comment on enseigne l'histoire aujourd'hui. Eh bien, nous aurons la semaine prochaine une semaine récapitulative de son travail, une série d'émissions consacrées à l'enseignement de l'histoire aujourd'hui en France à l'occasion de la fin de sa série feuilletonnée, donc La Fabrique de l'Histoire scolaire. Et nous entrons maintenant dans notre sujet du jour qui est donc le Nord avant le Nord avec nos deux invités, Agathe Lessens et Véronique de Marcion. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Laurentin. Vous êtes toutes les deux donc depuis les studios de Lille où vous enseignez l'une et l'autre. L'une est professeure émérite de l'Université de Lille en histoire du droit, Véronique de Marcion, et Agathe Lessens, vous êtes maître de conférence à l'École supérieure des professions de l'enseignement. Et évidemment, ce feuilleton sur l'histoire scolaire aujourd'hui vous intéresse au premier chef. Vous êtes rattachée à l'Université du Littoral Côte d'Opale et nous sommes en studio avec celui qui a préparé cette série d'émissions sur le Nord, Victor Massé-Lépiné. Bonjour Victor. Bonjour Emmanuel. Et donc nous allons maintenant remonter le temps. Nous avons beaucoup parlé pendant toute cette semaine du 19e et du 20e siècle et il nous semblait important de revenir sur une période qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur les changements de tutelle d'un État à l'autre en fonction des conquêtes territoriales, c'est-à-dire le 17e siècle. Que sont ces villes du Nord dont on a beaucoup parlé pendant cette semaine avant l'arrivée et les conquêtes de Louis XIV dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, Agathe Lessens et Véronique de Marcion? Alors ces villes sont en fait des villes extrêmement puissantes qui arrivent à imposer en fait leur point de vue au roi d'Espagne. Donc elles contrôlent le pays et elle reste profondément attachée à la couronne donc espagnole. Ça veut dire que c'est une tutelle lointaine que la tutelle du roi d'Espagne sur ces villes qui s'appellent Lille, Dunkerque, Courtrai, Tournai ou d'autres. Véronique de Marcion. Je crois que l'histoire de toutes ces villes est compliquée. Elles ont souvent changé de souveraineté, sont des zones frontières qui sont extrêmement convoitées. Et elles sont d'autant plus attachées justement à leur situation qu'à leurs privilèges, qu'elles ont toujours réussi en négociant à les faire perdurer. Donc, mais il est vrai que pour Lille notamment, on sait très bien que l'arrivée des Français a été très mal vue. Au XVIIe siècle, on n'avait pas du tout envie de devenir français. Et il en est de même sur la côte. À Dunkerque, c'est la même chose. Alors, il faut aussi préciser que ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord et le Pas-de-Calais est assez disparate en fonction de ses tutelles. Il y a des villes qui ont été anglaises, qui sont redevenues françaises, Boulogne et Calais par exemple, et qui le sont depuis un certain temps quand Louis XIV décide de son offensive sur ces territoires des Pays-Bas espagnols. Ça fait déjà à peu près un siècle, c'est-à-dire le milieu du XVIe siècle, que Boulogne-sur-Mer et Calais sont devenues françaises, Agathe Lessens. Oui, en effet, donc ces villes sont françaises et le roi de France arrive petit à petit à contrôler donc le magistrat, c'est-à-dire le conseil municipal de ces villes. Et donc, en fait, sont des bases arrières qui permettront après de s'avancer vers la Flandre espagnole. Quant à Dunkerque, la particularité de cette ville, c'est qu'elle a réussi en une seule journée à être donc à changer trois fois de nationalité, puisque le matin elle était espagnole, le midi elle est devenue française par conquête, et comme nous avions, le roi de France avait signé un traité avec l'Angleterre, le soir elle est devenue anglaise. Oui, c'est une journée particulière effectivement. c'est quel jour ce jour-ci en l'occurrence, Agathe Lessens? Alors, je ne pourrais plus vous dire la date exacte, donc c'est juste en 1658. Et ce qui fait que, ça montre bien tout simplement ces disputes et ces convoitises des grandes puissances pour cette région en particulier. Victor Massé de l'Épinay. Et alors, 1658, c'est un an avant le traité des Pyrénées. Est-ce que vous pouvez très brièvement nous raconter ces 70 années, disons, entre 1659 et la paix d'Utrecht en 1713 comment, par quel procédé militaire ou diplomatique, cette Flandre est devenue finalement la Flandre française? Il y a eu des conquêtes, il y a eu aussi des achats de villes, par exemple, Agathe Lessens. Oui, alors en effet, Dunkerque a été acheté puisque c'était un nid de corsaires qui était extrêmement menaçant pour tout simplement le contrôle de cette route qui passait par donc la Manche et la mer du Nord. Donc le roi de France voulait absolument l'obtenir, les Espagnols la conservaient ainsi que les Anglais. Mais le roi d'Angleterre, ayant des soucis financiers, a finalement accepté de vendre la ville de Dunkerque au roi de France. Donc la ville de Dunkerque était rachetée. 5 millions de livres, voilà. Oui, et donc le convoi est organisé et les Anglais ont bien vérifié que le paiement était complet. Ensuite, vous avez des villes qui ont été en effet prises par conquête, mais il y a capitulation et le roi de France, pour s'attacher à ces régions, eh bien, va tout simplement accepter de reconnaître les privilèges. Donc ça va être le grand classique. Des guerres sont entreprises, les villes donc sont encerclées, finissent par capituler, et puis le roi de France, pour s'attacher le cœur de ses sujets qui restent profondément pro-espagnols, eh bien, va accepter de reconnaître les constitutions urbaines, de conserver les privilèges, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en Flandre les libertés. Mais ma collègue pourra vous en dire un peu plus, puisque c'est la spécialiste du droit. Justement, Véronique de Marcion, pourquoi ces privilèges sont-ils si importants pour ces élites locales, municipales, aussi bien judiciaires que commerçantes? Pourquoi sont-ils si importants ces privilèges et en quoi se singularisent-ils par rapport à d'autres régions de l'Europe de ce moment-là? Alors, si je peux me permettre de revenir un petit peu en arrière sur la question précédente, je voudrais ajouter une chose sur la manière dont ces territoires ont été rattachés à la couronne de France. Je crois qu'il faut peut-être rappeler aussi les origines de la guerre de dévolution, qui a permis le rattachement en particulier de Lille, qui est la capitale des Flandres quand même à la France. On voit là, parce que c'est la juriste qui parle ici, comment le roi utilise le droit privé à des fins politiques, puisqu'en l'occurrence, il va utiliser l'argument de la dot de Marie-Thérèse, son épouse, qui est espagnole, qui n'a jamais été versée, pour invoquer le droit de dévolution qui est du pur droit privé, une règle successorable applicable en principe aux simples particuliers, qui réserve donc, qui reconnaît des droits aux enfants du premier lit, d'un premier mariage donc, ce qui était le cas de Marie-Thérèse, et il va prendre ce prétexte pour mettre la main, pour envoyer ses troupes, et mettre la main sur la Flandre. Et sur l'île, qui va capituler en 1667. Alors effectivement, pour revenir sur les capitulations, comme la capitulation de l'île en août 1667, mais on aura aussi plus tard, juste avant le traité de Nimègue, la capitulation de Cambrai en 1678, c'est toujours le même principe qui fonctionne. En fait, le roi négocie avec ses nouveaux sujets, et il promet systématiquement de respecter leurs usages, leurs privilèges. Et ça aussi, c'est une tradition qui a traversé les siècles, puisque la technique du joyeux avènement, qui était appliquée dans les anciens Pays-Bas, conduisait justement systématiquement les souverains à garantir les droits de leurs sujets. Et pourquoi sont-ils attachés, leurs sujets, ces nouveaux sujets, pourquoi sont-ils si attachés à ces libertés municipales en particulier? Qu'ont-elles de particulier? C'est parce qu'elles leur donnent une autonomie au sein d'un royaume. Bien sûr, oui, c'est une garantie de leur force, de leur puissance. On a des échevinages, on les appelle aussi les magistrats chez nous, qui sont extrêmement puissants avec des oligarchies locales qui ont assis complètement leur pouvoir sur la population, à des corporations aussi extrêmement puissantes. Donc, mais là, je pense que ma collègue pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Une question de Victor Masset. Allez-y, Agathe Lessens. Je voulais donner la parole à Victor, mais il le prendra ensuite. Allez-y, Agathe Lessens. Excusez-moi. Donc, en effet, ces magistrats, en fait, possèdent les pouvoirs de basse, moyenne et haute justice, donc ils peuvent condamner à mort. Le roi de France arrivera à imposer en 1070 l'appel devant les parlements français. Ensuite, il possède toute l'étendue du droit réglementaire, tout ce qui est la police, donc toute l'organisation politique, économique de la ville, dépend uniquement du magistrat. Les corporations de métiers, par exemple, qui servent de relais au sein de la cité aux décisions du magistrat, ne dépendent pas du roi de France. C'est uniquement le magistrat qui peut les créer, augmenter leur règlement ou les supprimer. Le roi de France n'a aucun pouvoir en ce domaine. On comprend donc bien que ces élites sont particulièrement attachées à leur autonomie, ce qui permet également aussi de lutter contre tout simplement les édits fiscaux. Nous sommes en région périphérique et de ce fait, on paie moins d'impôts en Flandre qu'en France. Et à la fin de l'Ancien Régime, comme l'avait calculé Marie-Laure Le Guay, on passe à peu près à une moyenne de 20 livres par tête, on va dire, pour la Flandre au niveau des prélèvements, contre une moyenne à 60 livres en France. Ah, évidemment, ça n'est pas tout à fait la même chose. Victor Masset de l'Épinay. Oui, je voudrais parler un peu de Louis XIV et de sa stratégie. Vous nous avez expliqué, Véronique de Marcion, comment il avait su utiliser une catégorie de droit privé pour revendiquer, enfin pour s'autoriser le droit de déclarer la guerre, pour capter l'héritage de Philippe IV. Mais ensuite, dans tout ce processus de francisation de la Flandre, il fait preuve d'un très grand sens politique, puisque s'il laisse les privilèges aux bourgeoisies locales, aux cours ou aux juridictions locales, il en a quand même pas moins de la suite dans les idées, mais il sait que ça va prendre du temps, et tout au long de ses 40-50 ans jusqu'à la fin de son règne, il va savoir se montrer parfois doux, parfois ferme, parfois même faire marche arrière et accepter, reconnaître des erreurs, par exemple. Oui, je crois qu'en fait, il avance ses pions un peu à la fois. Et en cas de conflit, il temporise, mais il ne renonce jamais. Et les choses se font dans la douceur et par le dialogue. Je crois que le dialogue est extrêmement important avec les élites, que ce soit les élites politiques, puisque je pense que les élites municipales, on peut les qualifier d'élites politiques, ou les élites judiciaires. La tradition, c'est toujours celle d'un dialogue, et chacun essaie finalement de défendre ses intérêts et de ne pas perdre la face. Et du côté du pouvoir royal, il n'y a pas d'usage de la force. On essaie de gagner un petit peu à la fois sur les particularismes locaux, sans donner l'impression, sans jamais prendre les nouveaux sujets de front, et sans donner l'impression que c'est le roi qui impose sa volonté. Donc, je crois que cet aspect du dialogue est extrêmement important. Et cela, Agathe Lessing, justement, c'est important parce que cela permet aussi de montrer que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui win-win, c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que chacun tente de préserver ses prérogatives, mais de gagner un peu pour que, au bout du compte, chacun puisse être satisfait, parce que si le pouvoir royal est mis en difficulté, cela peut mal se passer pour les élites municipales en particulier. Alors, en effet, les élites municipales, en fait, dépendent du roi de France, dans le sens où, pour Dunkerque, sa région et Lille, les échevins sont nommés par commission, par l'intendant. C'est l'intendant qui nomme le corps municipal et qui le renouvelle. Donc, ces élites, si elles veulent rester au pouvoir, et le roi, bon, a intérêt à se les attacher, eh bien, doivent faire preuve de souplesse, accepter certaines avancées du pouvoir royal, mais ne pas perdre la face. Et l'intendant va ainsi, petit à petit, tout au long donc de cette période, 17e et 18e siècle, s'attacher la fidélité de certaines familles, de certaines dynasties scabinales. Et scabinales, ce sont donc des chevins, en l'occurrence. C'est le oui, nom, ça, ce sont des chevins. Et donc, se les attacher, et petit à petit, eh bien, il va contrôler en fait de l'intérieur ses magistrats, va toujours les respecter en apparence, mais finalement faire passer certaines décisions. De Henri Dumont, né dans ces Pays-Bas espagnols au XVIIe siècle, une pièce pour viol numéro 2 dans cette émission, rappelons-le, donc, qui conclut notre série d'émissions sur le Nord et qui s'intéresse à ce changement de pouvoir, pourrait-on dire, entre ces Pays-Bas espagnols et ce qu'on appellera désormais la Flandre française, donc sous la houlette du roi de France Louis XIV qui conquiert ces régions dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Véronique de Marcion, vous avez travaillé sur le côté juridique de cette extension de la France et de l'absolutisme à ces régions de la Flandre. Dès avant la fin de la guerre de dévolution, en 1667-1668, Louis XIV crée à Tournai un conseil souverain, qui est une sorte de proto-parlement, on peut dire, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est qu'un conseil souverain et pourquoi justement ça montre que Louis XIV prend en compte les spécificités locales et peut-être avec de la suite dans les idées de le transformer peu à peu. Alors d'abord une première remarque qu'on peut faire, ce qui est quand même assez curieux parce qu'on a l'impression que le roi avait un peu mis la charrue avant les bœufs pour parler un peu trivialement. Dès la capitulation de Lille qui est donc intervenue en août 1667, Louis XIV s'est formellement engagé dans un des articles de la capitulation à donner un parlement à ces nouveaux sujets pour justement garantir le respect de leurs privilèges et de leurs usages et de le composer donc de gens du pays, de gens qui connaîtraient le droit local. Et ce Parlement de Tournai, ce Conseil souverain de Tournai, puisqu'au départ, effectivement, c'est uniquement un Conseil souverain, ce Conseil souverain a été créé par un édit d'avril 1668, avant même que le traité d'Aix-la-Chapelle soit signé, un mois avant. Mmh. Donc son ressort n'est même pas encore définitivement fixé. Alors c'est un conseil souverain, pourquoi pas un parlement ? C'est pas le seul cas dans le royaume, puisque Louis XIV avait fait la même chose pour le Roussillon. Et pour l'Alsace aussi ? Ou pour l'Alsace, où on avait effectivement des conseils souverains. Alors est-ce que c'est parce que leur ressort est plus petit ? Oh, il y a différentes explications qu'on pourrait avancer, mais ça ne change rien au fond, puisque dans tous les cas, on est en présence d'une cour souveraine, qui va rendre donc la justice déléguée du roi, puisque c'est une cour royale. Donc ce sont des magistrats qui sont nommés par le roi, qui rendent la justice en son nom, puisqu'il ne faut pas oublier que dans la tradition monarchique française, le roi est source de toute justice. Donc ce sont ces cours qui rendent la justice en dernier ressort, et le conseil de Tournai, qui deviendra d'ailleurs parlement en 1686, donc la situation, là aussi on aura une harmonisation, ce conseil de Tournai peut donc statuer en appel des décisions rendues évidemment par des juges royaux inférieurs, mais aussi justement par les juridictions municipales, ou par les juridictions d'église, qui sont aussi extrêmement puissantes dans nos régions, parce qu'il ne faut pas oublier une autre particularité des Pays-Bas espagnols, c'est qu'ils ont été au cœur de la contre-réforme catholique. Bien sûr. Et que ce sont des pays qu'on qualifie d'ultramontains par opposition à la France gallicane. Et le Concile de Trente, par exemple, a été reçu dans les anciens Pays-Bas, alors qu'il n'a jamais été reçu en France, ce qui a eu des conséquences extrêmement importantes, notamment dans le domaine du droit privé, en ce qui concerne le mariage et la famille. Et le droit, d'ailleurs dans la capitulation d'Ille, curieusement aussi, Louis XIV s'engage à ce que le Concile de Trente continue à s'appliquer, ce qui est extrêmement curieux, et sont des concessions qui n'auront qu'un temps, et qui devaient être extrêmement difficile à admettre pour le roi. Mais il les a quand même faites parce qu'il avait le sentiment que c'était indispensable pour mieux faire accepter le changement de souveraineté. Victor Massé de l'Épinay. Oui, vous avez d'ailleurs travaillé sur une famille qui s'appelle la famille Saudemont et qui illustre ces évolutions du droit de la famille, ces évolutions du droit suite à la francisation de cette région des Flandres. La famille Saudemont dont vous décrivez dans un article, peut-être que vous pouvez nous raconter brièvement l'ascension puis finalement la déchéance. C'est un cas pratique d'illustration d'une famille qui devient française et dont le destin est finalement brinque-ballé par ces évolutions du droit. Oui, alors pour essayer de résumer la situation très rapidement, le Saudemont, c'est une famille bourgeoise de Douai, puissante, dans le domaine plutôt des affaires, des bourgeois marchands. Et ils vont profiter en fait des répercussions de la conquête française pour franchir une nouvelle étape dans leur ascension sociale, puisque le roi de France, qui au départ s'est engagé à respecter le système de recrutement des magistrats, c'est-à-dire que les magistrats du Conseil de Tournai, dont on parlait tout à l'heure, ont été pourvus au départ d'un brevet viager. Ils étaient nommés par le roi pour toute leur vie, comme c'était le cas dans les anciens Pays-Bas, alors qu'en France, à cette époque, les juges avaient un office vénal, c'est-à-dire qu'ils achetaient leurs charges. Et la vénalité était inconnue dans les Pays-Bas, donc le roi n'a pas remis cela en cause. Mais dès 1693, tous les magistrats du Parlement ont été soumis à la vénalité des charges. Ils ont protesté, mais en vain. Et toutes les charges de judicature, donc du ressort aussi, sont devenues des charges vénales. Et le roi a aussi créé en 1680 une chancellerie auprès du conseil de Tournai, qu'il a composé d'officiers vénaux. Et justement, la famille Saudemont a pu acheter un office à la chancellerie. Alors l'office, on disait sous l'Ancien Régime que c'était une savonnette à vilain, c'est-à-dire que ça permettait aux bourgeois enrichis de se laver de leur roture et de devenir nobles. Ce qui est évidemment, on le sait depuis Molière, le rêve de tout bourgeois. Donc les Saudemont ne font pas exception à la règle. Et le fils a donc acquis un office, il était avocat, et il a acquis un office de conseiller secrétaire à la chancellerie. qui était un office extrêmement recherché. Donc, vous voyez, il profite de la conquête française pour parfaire l'ascension sociale de sa famille, mais malheureusement, il a une vie privée qui n'est pas vraiment exemplaire, puisqu'il vit en concubinage avec une femme dont Merlin de Douai dit qu'elle était sa servante. Les archives ne le disent pas, mais en tout cas, il n'était pas marié avec elle, et elle était sans doute d'une condition inférieure. Il a eu avec elle 3 enfants, qu'il a fait baptiser sous un faux nom, parce qu'il est quand même un peu soucieux de sa respectabilité. Et sentant sa mort approcher, eh bien, il se soucie quand même du sort de sa concubine et de ses enfants. Et là, il réalise, parce qu'il y a une autre affaire un peu similaire qui a fait beaucoup de bruit quelque temps avant, que sa succession risque de poser des problèmes, parce que justement, le roi, en 1742, va envoyer d'un seul coup tous les textes sur le mariage qu'il avait promulgué depuis le XVIe siècle et qui donc n'avait pas été enregistré par le Conseil de Tournai au Parlement de Flandre, où on continuait à suivre les règles tirées du Concile de Trente. Et le roi va aussi réussir finalement à imposer avec beaucoup de patience les règles applicables aux bâtards. Les bâtards sont les enfants naturels sous l'Ancien Régime. Les bâtards avaient une situation très peu enviable en France, puisque, comme le disait le juriste Loisel au début du XVIIe siècle, on disait en France « qui fait l'enfant doit le nourrir ». Mais c'est tout. Donc ils n'avaient qu'un simple droit à des aliments vis-à-vis de leurs parents, mais aucun droit de succession. On considérait que le bâtard était hors famille. Et donc, la succession devait revenir à la famille. Mais dans nos régions, le droit romain, qui faisait une condition beaucoup plus avantageuse aux bâtards, était suivi. Donc ça fait partie des usages locaux aussi, il est suivi à titre d'usage. Et on considérait donc que les enfants naturels pouvaient hériter, en l'absence d'enfants illégitimes, le père pouvait les gratifier par un legs universel. Mais tout cela est en train de changer au moment où Saudemont se sent atteint donc de sa dernière maladie. Il va faire 3 testaments successifs pour essayer de faire passer ses biens à ses enfants. Et finalement, eh bien, il va échouer. Et sa succession va être revendiquée par son frère, qui en fait avait sans doute flairé là l'occasion de récupérer une masse de deniers assez importante, et ce frère ensuite dispersera la fortune accumulée par la famille. Il refusera de payer la pension alimentaire au neveu survivant, puisqu'il ne reste qu'un enfant, et finalement toute la fortune des Saudemont disparaîtra. Donc on voit, ce qui est intéressant à partir de l'histoire de cette famille, c'est que la conquête française a servi les ambitions de la famille dans un premier temps, et puis ensuite elle a contribué à réduire à néant l'œuvre de plusieurs générations finalement qui s'était élevée dans l'échelle sociale. Et ça justement c'est très intéressant, Agathe Lessens, vous travaillez sur ces élites municipales, que ça soit à Dunkerque ou à Lille ou à Boulogne ou à Calais, et vous expliquez combien il faut éviter d'avoir une vision très caricaturale, pourrait-on dire, de l'arrivée de ces Français. Dans certains aspects, les Français permettent à des élites une certaine mobilité. Dans d'autres aspects, elles contraignent ces élites à rester là où elles sont et elles les enferment dans une sorte de passé qui ne bouge plus. Et donc, il faut vraiment travailler au plus près, au plus bas du territoire pour pouvoir comprendre comment le destin de ces villes, villes maritimes ou villes de l'intérieur, n'est pas lié justement à leur implantation géographique, mais peut-être lié à des traditions locales, à la capacité de négociation vis-à-vis de ce nouveau pouvoir français, Agathe Lessens. Oui, en effet, donc le roi de France ne veut pas destituer les magistrats ni les humilier, donc c'est en fait un accord, on va promouvoir sa dynastie. D'autres, eh bien, pourront être mises en retrait si elles ne sont pas, je dirais, fidèles. Mais il n'y a pas de chasse aux sorcières. Par exemple, lorsqu'on passe de la domination espagnole à la domination française, le roi va maintenir en place certaines dynasties. Certaines vont, bien sûr, pouvoir venir s'agréger aux différents magistrats par le biais, bien sûr, d'occasions d'affaires, des négociants qui peuvent s'installer parce qu'ils sont de droit de naturalité à Dunkerque, ou alors parce qu'il y a donc de grands travaux au niveau des fortifications. Ce sont des personnes qui sont déjà en vue, elles contractent des mariages avec les élites déjà installées, et ça leur permet donc à l'intendant après de les promouvoir dans les magistrats. Donc il y a une possibilité en effet, de mobilité, via donc l'appui de l'intendant. De mobilité, en effet, puisque par exemple la dynastie Thierry à Dunkerque, qui vient de Givet, vient sur Dunkerque pour des travaux de fortification. Les enfants se marient avec des filles de famille déjà bien installées et l'intendant va permettre ainsi à la famille Thierry petit à petit de rentrer à l'échevinage et à la fin du XVIIIe siècle, le bourgmestre de Dunkerque est un Thierry. Une belle progression, mais il faut dire tout de même que le changement, le fait que cette région soit une région de frontières donne des opportunités aussi à beaucoup de gens. Vous expliquez par exemple que les jacobites, les catholiques venus d'Angleterre s'installent sur ce rivage, vont entre eux travailler dans les différentes villes où ils se sont installés pour pouvoir continuer à faire du commerce, qu'il y a aussi une occasion incroyable due aux différences fiscales entre la France et le Royaume d'Angleterre. Il y a des possibilités de faire fortune assez rapidement en récupérant ce qui vient des Indes, en particulier le thé, mais aussi en récupérant l'alcool et d'autres marchandises dans ces ports de Dunkerque, de Boulogne ou de Calais, et en jouant sur la différence fiscale entre les deux royaumes, eh bien, il y a des fortunes qui se font très rapidement parce qu'on est à la frontière aussi, Agathe Lessens. Oui, en effet, la frontière qui est définitive avec le traité d'Utrecht était perçue au départ pour Dunkerque comme, je dirais, en 1713, comme une calamité, puisque le port doit être détruit. Les Anglais n'ont pas apprécié les exploits des corsaires dunkerquois, dont le plus célèbre est Jean Bart, mais il n'est pas le seul. Par contre, comme il y a une très nette différence fiscale entre le Royaume d'Angleterre et la France, en particulier sur tout ce qui est alcool, thé et tabac, les jacobites, c'est-à-dire en fait donc des catholiques anglais et irlandais, vont s'installer à Dunkerque, mais on a aussi des marchands anglais protestants qui s'installent et qui travaillent. Et en fait, ils vont travailler pour la contrebande et question fiscale. Qu'on appelle le smuglage, c'est ça ou... Oui. C'est le smuglage, en effet. Donc, en fait, l'alcool arrive à Dunkerque ou à Boulogne, par exemple, sont mis en entrepôt et sont réexportés vers l'Angleterre de façon illégale pour ne pas payer les taxes. Et vous avez donc des liens qui se créent de part et d'autre de la Manche, puisque les familles ont des branches implantées de part et d'autre. Les jacobites également ont lien avec les magistrats, en particulier je pense par exemple au sieur Rutledge, qui est donc un jacobite qui va financer une expédition du prétendant Stuart au milieu du XVIIIe siècle pour tenter de reconquérir le trône d'Angleterre. Et Rutledge est en fait allié aux magistrats de Dunkerque. Et les Rutledge sont des négriers au XVIIIe siècle en particulier, qui ont compris qu'il y avait aussi intérêt à aller voir du côté des îles pour pouvoir faire une fortune encore plus grande. Exact. Et ces Rutledge s'allient avec des familles locales. Ça permet à ces dernières, donc également, c'est pas une négociante dunkerquoise, d'avoir accès, elles aussi, au commerce colonial et de pratiquer la traite négrière. Et le magistrat, donc, comme ils sont liés, s'arrange en quelque sorte pour éviter que la ferme générale ou qu'on regarde d'autres administrations regardent un peu trop près les affaires, puisqu'il y a des manipulations de fonds dont aujourd'hui encore on n'arrive pas à voir tous les tenants et aboutissants. Oui, Victor Massé de l'Épinay. Oui, une question sur la langue. Comment est-ce que Louis XIV puis Louis XV, dans leur volonté centralisatrice de rattacher toute cette province de Flandre à la France, prennent en compte, j'allais dire, le bilinguisme, peut-être qu'on parle encore plus de langues, en tout cas la présence du flamand dans certaines de ces villes. Alors, pour ce qui est sur la région donc de Dunkerque, puisque vous avez évoqué hier le fait que Berg n'est pas ch'ti, en effet, c'est une région flamande et les archives au XVIIIe sont encore en flamand, y compris pour les corporations. Alors, théoriquement, le pouvoir français impose le français dans tous les actes officiels. Les élites parlent le français. Par contre, la population parle le flamand. C'est une langue qui perdure. En 1789, dans les cahiers de doléances, les populations réclament la mise en place d'écoles, puisque le réseau d'écoles est très développé, mais les écoles pour les pauvres, et on réclame un enseignement en français et en flamand, parce que le flamand permet de trouver du travail. Et tout ce qui est prêche, ce qui montre vraiment l'importance de ce flamand, il est vraiment pratiqué. Tout ce qui est prêche, y compris à Dunkerque, par les curés ou des carmes qui viennent pour le carême, se fait en flamand. Et c'est un outil qui permet aussi d'être un outil parfois politique, soit d'opposition au pouvoir municipal, soit au pouvoir des puissances qui occupent lorsqu'on ne les accepte pas. Victor Massé-Lévin. Oui, Véronique Desmartions, est-ce que ça veut dire que dans les petites juridictions, il y a des interprètes, les magistrats parlent français et il faut traduire ce que dit le petit peuple. Effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, au départ, là aussi, les deux langues ont été pratiquées et il y avait en fait, dans le ressort du Conseil souverain de Tournai, des zones linguistiques extrêmement différentes. Charente, puisqu'on avait ce qu'on appelait la Flandre gallicane ou gallicante, où on parlait français, notamment Lille. Et puis on avait la Flandre flamingante, qui allait à l'époque, au départ, puisque le ressort du Parlement, le ressort du Conseil de Tournai devenu Parlement en 1686, s'est étendu progressivement avec les victoires de Louis XIV au XVIIe siècle. Donc on avait aussi toute la région d'Ypres, Furnes, mais aussi en France actuelle, Bayeul par exemple, ou Berg, comme le disait ma collègue, où on parlait flamand. Et le roi a donc toléré au départ les deux langues. La cour de Tournai a nommé un certain nombre de traducteurs jurés, c'est-à-dire des traducteurs qui prêtaient serment devant la cour et qui faisaient une traduction officielle des actes. Mais ça a duré relativement peu de temps, puisque dès 1684, le roi est intervenu et il a promulgué un édit par lequel il a interdit de continuer à plaider en flamand alors qu'on juge en français à la cour de Tournai. Donc, à partir de là, d'ailleurs, les traducteurs jurés ont disparu. Et ce qu'il y a d'intéressant, d'ailleurs, c'est que le roi ne met pas en avant dans son édit, dans les motifs de son texte, la nécessité d'unifier le langage. Mais il dit que, justement, les traducteurs, d'abord, ça coûte. Et puis, ils sont pas toujours forcément très fiables. Donc, dans l'intérêt d'une bonne justice, il est bien préférable de parler français. Vous voyez là aussi comment la manière d'habiller, finalement, les choses, c'est de l'habileté politique, hein. Un peu de la langue de bois. Donc ensuite, le flamand, on le retrouve quand même encore dans les archives. Il y a de nombreuses pièces encore en flamand, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, d'ailleurs. Victor Massé de l'Épinay. Mais du côté des élites, il n'y a pas eu de crispation ou de revendication identitaire sur le flamand. On s'est plié de bonne grâce à cette volonté royale de tout traduire en français, de parler uniquement le français. Moi, j'ai l'impression que parmi les élites, beaucoup parlaient français, d'une part. Et puis, à la suite, justement, de la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe et des revers de Louis XIV, puisqu'à la période de victoire va succéder une période de revers, eh bien, finalement, la France va perdre, avec le traité d'Utrecht, elle va perdre l'essentiel de la partie Ypres, Furnes, toute la partie qu'on appellerait belge aujourd'hui. Donc, à partir de là, je sais pas, dans des villes comme Berg, par exemple, là, vraisemblablement, les élites parlent flamand. Pour Berg, il semble que les élites soient bilingues. Elles sont bilingues. Mais pour tout ce qui est administration de la ville, c'est en français. Pour s'adresser à la moyenne et petite bourgeoisie, c'est du flamand. À Dunkerque, il y a encore quelques traducteurs jurés pour des décisions de justice, parce que certains corps de métier, en particulier liés au monde maritime, que ce soit les pêcheurs, mais en particulier les constructeurs de navires, c'est un domaine très sensible, eux sont vraiment, et c'est une particularité que j'ai trouvée dans les archives, attachés aux flamands, continuent le flamand. Mais les élites elles-mêmes, il n'y a pas de crispation. De toute façon, on demande le français dans les cahiers du tiers état en 1789, parce que c'est une occasion de trouver un emploi. La direction de Paris, l'attraction de Paris se fait de plus en plus sentir au cours du XVIIIe siècle. Et donc, petit à petit, on se rend compte qu'on a besoin aussi du français, mais le flamand sert, s'il faut franchir la frontière en cas de conflit, rejoindre la ville et le port d'Ostende pour trouver un emploi. Donc, on a besoin des deux langues, mais il n'y a pas de crispation identitaire, me semble-t-il, jusqu'à présent. Ce qui est très intéressant, effectivement, quand on s'intéresse à ce changement de tutelle de ces villes, donc de Flandre devenues française à l'occasion des guerres de Louis XIV pendant la deuxième moitié du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, au bout du compte, on disait tout à l'heure que Louis XIV est très patient, voudrait voir avancer plus rapidement la cause française dans cette région, mais qu'il n'y arrive pas. Au bout du compte, eh bien, tout cela va tout de même finir par payer. Il va falloir peut-être un bon siècle pour pouvoir le voir. Mais là où le Pelletier de Souzy, qui était un intendant français, disait ces messieurs à propos des magistrats des villes étaient des espèces de souverains quand il écrivait à Louvois, eh bien, au bout du compte, eh bien, l'annalité, par exemple, c'est-à-dire l'élection annuelle de ces magistrats dans chacune de ces villes va progressivement devenir beaucoup plus lente et on va élire les magistrats sur 2 ans, puis 3 ans, 5 ans et parfois même 10 ans ou ne pas les élire du tout. Ils vont être nommés par décret et par lettre de cachet de l'intendant et au bout du compte, eh bien, cette tutelle française va s'imposer et la francisation va être sinon complète, du moins beaucoup plus accentuée juste avant la Révolution française, Agathe Lessens et Véronique de Marcillon. Allez-y, Agathe. En effet, le roi continue à ménager les formes, hein, puisqu'en fait, l'annualité, entre guillemets, n'est pas abandonnée. On dit tout simplement qu'on reconduit le magistrat pour ses bons services. Donc apparemment, les formes sont respectées. Il est vrai qu'à l'extrême fin, en 1780, parfois l'intendant va carrément nommer par ordre un remplaçant. Mmh. Des chevins décédés. Mais il est vrai que la francisation s'avance, elle est acceptée, même si parfois, dans le tiers-état en 1789, il y a quelques récriminations, car qui dit francisation dit bien sûr augmentation des impôts. Et oui, c'est ça. Oui, des taxes. Donc c'est ce qui fait que parfois on dit que les magistrats sont trop à la solde de l'intendant, sont les créatures. Donc il y a eu tentative lors de la réforme municipale de Laverdy qui a été appliquée sur Dunkerque. Dans les années 1770 hein. Voilà, 1760, en effet, fin 60 et début 70, eh bien là, on a eu, de la part de la moyenne bourgeoisie, puisqu'il y a eu une très forte pression fiscale à ce moment-là, eh bien une sorte de règlement de compte vis-à-vis donc des membres du magistrat qui ont été sortis de charge et qui étaient en fait des créatures de l'intendant. Mmh. 1789, on a encore quelques migrations, mais on est français. Et de toute façon, lorsque les Anglais seront à Onscott, donc au tout début de la Révolution, les Dunkerquois vont en fait protéger la ville et rester français, alors que bon, la situation est extrêmement difficile et tendue. Oui, Véronique de Marcion, c'est la même chose du côté du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ça va plus vite, ça va oui, lentement, mais ça finit par advenir. Non, je crois que les choses vont s'accélérer au XVIIIe siècle, en raison du contexte politique et international. La guerre de succession d'Espagne, évidemment, a eu des conséquences dramatiques puisque la France l'a perdue, il faut bien reconnaître. Et le Parlement 1714. De Douai, puisque le Parlement de Tournai va être obligé de déménager pendant cette guerre pour aller d'abord en exil à Cambrai, et puis il va s'installer définitivement à Douai, qui est d'ailleurs toujours pour cette raison-là le siège de la Cour d'appel aujourd'hui. Mais le Parlement va avoir un ressort considérablement restreint, puisque la France a perdu des territoires, mais aussi un ressort beaucoup plus homogène. Et surtout, ce ressort va connaître la paix pendant le XVIIIe siècle, ce qui n'avait pas été le cas depuis 50 ans. Mmh. Et ça va permettre à l'influence française de se consolider. Il faut voir aussi que la vénalité des charges a fait son œuvre. On a maintenant des dynasties parlementaires qui sont conquises aux avantages de la vénalité. Et finalement, on est maintenant tout à fait conscient et content d'être français, mais attention, le Parlement reste extrêmement attaché à son rôle de gardien des particularismes locaux. Et par exemple, quand il fait des remontrances pour protester contre les textes royaux, puisque dans la tradition d'Ancien Régime, le Parlement n'est pas seulement une cour de justice, c'est une cour qui enregistre les textes royaux et qui peut faire à cette occasion des remontrances, des conseils au roi. Le Parlement de Flandre, fera assez peu de remontrances, elles seront toujours très respectueuses, et elles sont très souvent, presque systématiquement, motivées par la défense des particularismes locaux. Et notamment, justement, ce qu'on appelle le privilège flamand non evocando, c'est-à-dire le fait que les sujets du ressort ne peuvent pas être distraits de leur juge naturel, et qu'on ne peut pas les obliger à plaider ailleurs que devant le juge local. Et ce juge local défend les privilèges et ses particularismes, donc ils subsistent jusqu'à la Révolution. Mais j'allais dire, le cas des provinces du ressort du Parlement de Flandre n'est pas particulier, puisque dans toute l'ancienne France, on n'a pas d'uniformité. L'uniformisation, c'est une invention révolutionnaire. Mmh. C'est la Révolution qui va faire table rase des particularismes. Et ces particularismes, dans l'ancienne monarchie, ils ont subsisté jusqu'au bout, en Flandre comme ailleurs. Une dernière question, une dernière remarque, Victor Massel-Lépinet. Oui, on a très peu évoqué l'Église, mais je voulais vous demander un peu, dans ce temps long de la fin du XVIIe, début du XVIIIe, le rôle politique qu'a joué l'Église dans ce rattachement de la Flandre à la France. Agathe Lessens, brièvement, très brièvement, parce que nous arrivons au bout. Alors, très brièvement, l'Église n'a pas vraiment de rôle politique parce que les magistrats contrôlent la vie paroissiale. Ce sont les marguilliers, donc en fait, c'est eux qui organisent qui la vie matérielle. Oui, qui dirige la fabrique, donc l'évêque, s'il rentre en opposition avec le magistrat, c'est très simple, c'est le magistrat qui réussit à faire passer les décisions qu'il veut imposer, puisque c'est lui qui va montrer ainsi, par le biais notamment des processions, quel est l'ordre social et politique qu'il veut imposer dans les villes. Merci à toutes les deux. Merci à vous, Agathe Lessens. Je rappelle que vous êtes spécialiste du pouvoir municipal et des élites municipales dans ce Nord en profond bouleversement qui ne s'appelle pas encore le Nord dans cette période du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et merci à vous, Véronique de Mars-Sion. Je rappelle que vous êtes spécialiste, vous, de l'histoire judiciaire dans cette région. Je voulais, avant de terminer cette émission, vous dire qu'il y a un forum, une nouvelle formule des forums donc de France Culture qui se tient samedi, à la Sorbonne, les forums que nous avions traditionnellement à la Sorbonne. Et c'est un forum, nouvelle formule, puisque les émissions de savoir, à savoir l'histoire, la philosophie, l'économie, mais également les sciences, se retrouvent donc autour d'un thème commun. Et ça sera à partir de 10h samedi. Donc venez, si vous le souhaitez, nous rencontrer. Nous commencerons, nous, sur la question de depuis quand défend-on les animaux, avec Michel Pastoureau, Éric Baraté et Béatrice Bougnol, mais il y aura ensuite des émissions de philosophie, des émissions d'économie et d'histoire, ainsi que Serge Tisseron qui conclura cette émission, cette journée de débat, donc à la Sorbonne à partir de 10h samedi. Inscrivez-vous sur le site de France Culture. Et puis pour terminer également, eh bien disons que nous travaillons tous les jours et avec des réalisatrices et des réalisateurs qui sont les garants de la qualité artistique de nos émissions. Ils et elles nous sont indispensables pour clarifier, mettre en onde, améliorer, embellir notre travail de production. Nous formons des couples de travail avec elles et avec eux. Et ça a été le cas pour moi il y a 32 ans quand je suis rentré dans cette émission à France Culture qui s'appelait le Culture Matin, donc avec Claude Rizac, puis ensuite avec Jean Lebrun, avec Georges Kiosef, dont on a appris la semaine dernière la disparition. Je voulais lui tendre mon chapeau pour lui dire justement combien il avait été important pour moi, parce qu'il m'a appris à choisir dans le flot des paroles de nos interviewés. Et c'était il y a 32 ans, mais on ne l'oublie pas, le jour de son enterrement. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. À la technique aujourd'hui, Emmanuel Morsnacan, et à la réalisation, Anne Fleury. Avant samedi et donc le forum France Culture où nous parlerons de l'animal et de ses rapports avec l'homme, et bien demain nous avons une dernière émission de la semaine d'actualité avec deux professeurs au Collège de France, Edem Eldem qui vient de donner sa leçon inaugurale donc sur l'histoire ottomane au Collège de France. Il sera notre premier invité, et puis nous aurons ensuite Bénédicte Savoie qui travaille sur la question des restitutions d'œuvres d'art. Elle sera notre deuxième invitée demain dans la Fabrique de l'Histoire.